très bel après-midi. Tout de suite, Histoire vivante sur la Première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Bien, je dirais d'abord, pour l'avoir bien connu vraiment, que c'était un homme politique d'une envergure et d'une intelligence exceptionnelle. Cette semaine, meurtre à Stockholm. Je suis convaincu qu'il ne s'agit pas d'un complot. Ce crime n'a été perpétré que par une seule personne. La mort d'Olof Palme. La mort a été reçue comme un choc par les Suédois. Personne ne soupçonnait que semblable attentat pouvait survenir, surtout ici. Après 21 mois d'enquête sur l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la police suédoise décide de frapper un grand coup et d'offrir une récompense des plus alléchantes pour retrouver le ou les responsables de ce meurtre. Les enquêteurs s'en tiennent à la même théorie depuis 15 ans. Cette semaine, c'est un épisode particulièrement trouble de l'histoire politique suédoise à laquelle nous allons nous intéresser avec l'affaire Olof Palme. Premier ministre suédois assassiné en 1986 par un ou des individus et qui au jour d'aujourd'hui n'ont toujours pas été identifiés, ce malgré une série d'enquêtes dont les résultats, vous le découvrirez cette semaine, nous laissent quelque peu pantois. Olof Palme est une personnalité de plus à ajouter au tableau des assassinats politiques. Aujourd'hui, nous avons choisi de faire en votre compagnie la rencontre avec Michel Noll, un nom que vous avez souvent entendu au moment de la diffusion de ces assassinats politiques, puisqu'il est le créateur de la série télévisée du même nom. Rencontre donc avec un homme venu d'un autre monde que celui de la télé, qui a choisi une orientation originale dans sa carrière au sein de l'audiovisuel, celle de producteur indépendant tourné vers l'international, il nous racontera ça, et qui nous dira également à quelle occasion s'est déroulée la naissance de cette série. Aujourd'hui, rencontre avec Michel Noll, un nouvel épisode d'Histoire vivante. Eh bien, je suis français d'origine allemande de Cologne, plus précisément. Je vis maintenant en France depuis une trentaine d'années. Je fais depuis maintenant presque 20 ans mon troisième métier, celui de producteur, que j'ai trouvé par hasard sur ma route. Et c'est un métier passionnant qui me donne l'occasion d'aborder les facettes les plus extraordinaires, les plus différentes que la vie d'aujourd'hui nous propose. Vous dites troisième métier, ça suppose qu'il y en a eu deux autres auparavant? Un premier métier qui était un métier de chercheur. J'étais impliqué dans la recherche sociologique, plutôt de groupes en marge de la société, des gens qui avaient des problèmes d'alcool par exemple. Et puis un deuxième métier de conseil, où je conseillais des grandes entreprises dans leur stratégie de management, de marketing. J'ai quitté le premier métier parce que malheureusement les résultats de recherche ne se transformaient pas très souvent en mesures concrètes par les politiques qui nous gouvernent. Et j'ai quitté le deuxième parce que je me sentais un peu utilisé par ces grands stratèges qui se demandaient comment ils allaient augmenter leur part de marché. Et vous êtes arrivé au métier de producteur il y a combien d'années maintenant ? Donc il y a bien une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Et un peu plus de 20 ans, ça nous met à peu près dans les années 80. On en est encore, j'imagine, et vous allez nous le dire, dans une autre, toute autre télévision que celle que l'on peut connaître aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la situation télé des années 80 ? C'était surtout une télévision dans laquelle le diffuseur était celui qui avait le pouvoir, qui ne le partageait surtout pas, avec ceux qui étaient en charge de créer les émissions, de faire les programmes. Le producteur était davantage quelqu'un à qui on disait ce qu'il fallait faire et qui était un organisateur en quelque sorte des désirs de la chaîne qui dictait plus ou moins précisément ce qu'elle voulait présenter au public. Et d'ailleurs, heureusement, avec cet éclatement technologique, si vous voulez, qui nous a apporté une télévision bien plus diversifiée, la production indépendante, donc je suis producteur indépendant, a connu un essor fantastique dans les 15 dernières années. Qu'est-ce que c'est être producteur indépendant ? Dans un rapport où il y aura un éditeur d'un côté et un auteur de l'autre, le producteur, c'est un peu l'auteur qui fait la chose, qui s'organise pour la faire faire ou la faire, pendant que le diffuseur la présente au public. Alors on en est dans les années 80, vous en êtes au tout début, vous débarquez dans ce métier, vous commencez par quoi ? J'ai commencé à participer à l'équipe qui faisait une émission très connue ici en France pour les enfants, ça s'appelait Casimir, L'île aux enfants. Donc j'ai eu l'occasion de participer à cette production qui était une production particulière parce que l'antenne devait s'assurer tous les jours. Donc il y avait un rythme forcené de travail à assurer. En même temps, l'émission avait pris une place importante en France. Donc pour moi, c'était une façon noble, si je peux dire, d'apprendre le métier. Mon rôle plus particulièrement était de participer à la production des petits films de 3-4 minutes qui étaient insérés dans le magazine, qui venaient rythmer un peu les parties plateaux qui étaient, eux, tournées directement par TF1 à l'époque. Et je vous rappelle que c'était un TF1 de service public à l'époque. Après Casimir, autre expérience ? Après, je me suis lancé dans la production de fiction jeunesse. J'ai beaucoup, à ce moment-là, sillonné le monde. J'ai tourné des sujets en Australie, au Canada, en Amérique, en Inde aussi, en Angleterre, en Allemagne, un peu en France, bien sûr, quand même. Et c'était une époque où les journées avaient vraiment 24 heures. C'était une époque qui connaissait, qui nous montrait déjà à la fois le développement de nouvelles télévisions par le câble et les satellites à l'époque. C'était un début. Et en même temps, on commençait à bien percevoir les grandes collaborations qui se dessinaient sur le plan international. C'est-à-dire les premières grandes coproductions que faisaient les grands diffuseurs se faisaient ou commençaient à se faire à ce moment-là. Qui avait été à l'origine de cette idée d'aller vers l'international ? C'était vous ou c'était la chaîne qui vous avait... Non, c'était plutôt moi, parce que je voyais bien qu'il y avait très peu de choses qui se faisaient en la matière. Moi-même, j'aime beaucoup voyager, donc j'avais un penchant normal et naturel d'aller chercher des histoires ailleurs. J'en ai donc trouvé, en plus, et du coup, il m'était relativement facile de convaincre tout le monde de me suivre. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, dans quelques instants à cette carrière, à ce virage de carrière, parce que c'est vrai que vous avez très tôt été remarqué dans la profession de la production comme étant quelqu'un voulant s'orienter vers l'international. Vous allez nous raconter à la fois le jeu de piste que ça suppose et puis aussi les réussites qui ont accompagné tout ce parcours. On se retrouve dans quelques instants. Toutou par Miles Davis. Ce titre a été écrit par son bassiste et nouveau producteur Marcus Miller en 1986. Dans un dialecte africain, Toutou signifierait calme, relax, cool, ou peut-être était-ce un hommage à Desmond Tutu, évêque noir sud-africain et prix Nobel de la paix. We'll be right back. Michel Nolle, nous allons avoir l'occasion de retracer un nouvel assassinat politique au cours de cette semaine. C'est celui du Premier ministre suédois Olof Palme, assassiné en 1986, le 28 février. Et avec vous, aujourd'hui, on fait la rencontre d'un homme qui a choisi le métier de producteur après deux autres métiers et qui s'est lancé dans une drôle d'orientation, une orientation sans doute un peu originale pour l'époque, producteur tourné vers l'international. C'est comme ça qu'on peut le dire ? Oui, je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire, et une des raisons profondes de cela, c'est que je pense que notre vie publique, nos références sont aujourd'hui beaucoup plus internationales qu'ils ne l'étaient il y a une génération. Donc, surtout si on veut aborder des dimensions importantes de la vie publique, on ne peut plus le faire aujourd'hui sans se préoccuper de l'international. Vous connaissez le fameux proverbe du Global Village, du village global. Eh bien, si on travaille dans le domaine du documentaire, de fait de société ou du documentaire politique, il est clair que c'est à cette échelle-là que ça se passe. Alors, votre premier essai, vous nous disiez tout à l'heure, ce sont des petites fictions. Quelles autres expériences vous avez initiées ? Est-ce que, par exemple, vous êtes essayé à la coproduction de plus grandes fictions réunissant les atouts, les efforts de différents pays ? Oui, je me suis, et ça suivait assez naturellement la production des fictions jeunesse, je me suis lancé dans la production de grandes mini-séries internationales. On utilise le terme mini-série, hein, c'est un jargon, vous me pardonnerez. Qu'est-ce que c'est une mini-série ? Une mini-série, c'est un grand téléfilm, si vous voulez, en plusieurs parties, on va dire 3 ou 4 parties selon la richesse du sujet. C'est donc des épisodes qui peuvent se suivre et qui nous racontent une seule et même histoire. Et là, celle que je pourrais citer comme exemple, c'est celle que j'ai fait pour illustrer un peu la vie du capitaine James Cook, cet officier anglais qui a planté le drapeau britannique sur l'Australie. Il fallait donc réunir, en effet, pour des raisons de coût simplement, c'était une entreprise extraordinairement chère. Il fallait réunir les fonds de plusieurs diffuseurs nationaux et importants pour pouvoir le réaliser. Alors dans ce cas, ce que l'on dit souvent quand on évoque le mot de coproduction internationale, c'est l'intégrité de l'œuvre qui en pâtit parce que chacun veut mettre son grain de sel. Et s'il est vrai qu'il y a eu des excès en la matière, il n'est pas moins vrai que quand on a un sujet précis et qu'on peut bien le maîtriser, bien le dominer, les partenaires ne viendront pas, ou ne sont pas, en tout cas c'est mon expérience, ne sont pas venus mêler leur grain de sel, au contraire apporter leur point de vue qui a pu enrichir le sujet. Alors ce Capitaine Cook, c'était une série en combien d'épisodes et de quelle durée ? Elle faisait 4 parties de 90 minutes, donc c'est comme si on aurait fait 4 films, si vous voulez. Donc ce sont des budgets colossaux. Comment on arrive à convaincre les différents partenaires et faut-il employer des arguments identiques ou différents selon le pays, selon la culture vers laquelle on s'adresse ? Oui, en Angleterre, je suis obligé de davantage convaincre par une prestation artistique, si vous voulez, qui serait un peu comme du papier glacé, parce que c'est comme ça qu'on perçoit là-bas qu'on va convaincre l'audience. En Allemagne, c'est davantage une vérité historique qui va convaincre les interlocuteurs, je ne parle pas du public, hein. Et en France, c'est peut-être un peu plus, est-ce que ça va nous apporter une vision intéressante, enrichissante de l'histoire, en l'occurrence. Pour moi, c'est plutôt un enrichissement de mon travail parce que, du coup, c'est vrai qu'il faut que, dans chaque chose que je fais, il faut que j'essaye vraiment de trouver, sous tous les angles possibles, une manière de les aborder. Vous avez lancé cette série-là, je pense aux petites fictions, un petit peu avant tout le monde. Est-ce que vous avez été précurseur dans ce domaine ? Et si oui, est-ce que vous avez pu vous sentir un petit peu seul, pour le coup ? J'ai d'illustres précurseurs qui ont fait ce travail-là avant moi, dans la première phase de la télévision, c'est-à-dire celle après la guerre. Il y a eu certes des tentatives dans cette optique-là, certes un peu moins spectaculaires, tout simplement parce qu'à l'époque on avait moins les moyens de le faire, mais j'ai certainement de grands maîtres auxquels je me suis référé en faisant ce travail. Ça n'a pas empêché la solitude du coureur de fond, parce que faut savoir qu'un film comme ça, enfin une mini-série comme ça, ça peut coûter le prix d'un bâtiment de 10 étages à Paris. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à porter seul, parce qu'en fin de compte, c'est vous qui êtes le seul responsable, en fin de compte, même si vous avez évidemment plein de comptes à rendre, et on n'est jamais vraiment seul, parce que on se fait entourer, on s'entoure par des amis et des conseillers. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'est un travail qui vous laisse seul à certains instants. Si vous le voulez bien, Michel Nold, on se retrouve dans un petit instant pour parler de cette série qui a été diffusée sur la radio suisse romande avec ô combien de succès et puis également à la télévision suisse romande. Ce sont les assassinats politiques. Rendez-vous dans quelques instants. Dream World, ou le rêve du monde parfait selon Peter Garrett, chanteur de Midnight Oil, également député vert australien et défenseur des droits des aborigènes. Michel Nold, on est avec vous aujourd'hui pour ce premier jour de la semaine, semaine consacrée à Olof Palme. Olof Palme fait partie de ces personnages qui figurent dans votre tableau de chasse, oserais-je dire, des assassinats politiques. Comment sont nés ces assassinats politiques ? Ils sont nés avec une passion d'un ami qui est installé à Cologne en Allemagne, qui m'a communiqué cette passion d'aller à travers des documentaires d'investigation rechercher la vérité ou une autre vérité que celle qui est publiquement annoncée des assassinats qui ont été commis notamment dans la dernière partie du siècle dernier, c'est-à-dire très souvent au plus haut fort de la guerre froide. Il a su me convaincre que à travers ce travail-là, à travers quelques exemples précis que nous pourrions aborder, nous pourrions peut-être contribuer à augmenter un peu la transparence de la vie publique, peut-être en mettant le projecteur sur le derrière des coulisses dans les jeux politiques, dans les couloirs du pouvoir, peut-être de réduire un peu les marges de manœuvre de ceux qui nous gouvernent. quand ils ont des plans un peu malvolents. Voilà. Avec quel exemple précis vous a-t-il convaincu au tout début ? Avec celui de Roberto Calvi. Palais de Westminster, Londres, 8 juin 1982. Visite d'État. Le chef de la première puissance occidentale, le président américain Ronald Reagan, est de passage en Angleterre. Il sort juste d'un sommet avec le pape Jean-Paul II. Reagan explique au Parlement anglais les grandes lignes de la politique occidentale. Le président américain prévoit des troubles explosifs en Europe de l'Est. Concernant la situation de la Pologne, il parle d'une grande crise révolutionnaire et annonce la fin de l'Empire soviétique. Vous vous souviendrez peut-être, c'est le banquier italien qu'on a retrouvé suicidé sous un pont à Londres. Et assez vite, il était facile de prouver que c'était un faux suicide parce que la manière à laquelle il a été trouvé, il était impossible de se le faire soi-même, cet acte. Donc, par un travail de recherche très très très minutieux, il nous a été relativement facile d'apporter, notamment à travers le contexte politique international, en tout cas de poser quelques questions intéressantes quant à la véritable origine de cette mort. Et sans apporter des conclusions, forcément, je crois que, en ce qui me concerne, je suis sorti de cette expérience avec la conviction que c'était une voie qu'il fallait suivre pour, en quelque sorte, mettre plus de lumière sur notre actualité politique, pour faire mieux, pour donner des outils au public de mieux comprendre ce qu'on nous sert tous les jours dans les nouvelles. C'est dans le désert du Sinaï que le président égyptien Anwar el-Sadat avait eu la révélation divine de son destin. Il serait celui qui mettrait fin au conflit entre les Arabes et les Juifs. C'est ici, au pied de la montagne de Moïse, près du couvent Sainte-Catherine, que j'ai eu l'idée de ma mission de paix. Elle est sacrée, inspirée par Dieu. Le Tout-Puissant va mettre fin à l'histoire du peuple juif en Égypte, là où elle avait commencé. Quand on s'est penché sur le cas d'Anwar el-Sadat et de son assassinat, on se souvient des images. Et de regarder cet exemple-là plus précisément encore aujourd'hui nous permet de mieux apprécier les difficultés que peut rencontrer le processus de paix aujourd'hui dans ces pays-là. Donc, autant ces informations-là ont une base historique, ils nous permettent de mieux servir notre compréhension du présent. Et c'est là où je pense que l'histoire joue pleinement son rôle, si on la prend au sérieux. Elle peut nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors juste un dernier petit mot, parce que le temps nous est compté, sur Olof Palme. Bah sur Olof Palme, c'est assez incroyable. Il y a eu procès sur procès sur procès, un nombre incalculable de suspects qui ont défilé à la barre, aussi bien du côté de l'Afrique du Sud que du côté du PKK, le parti nationaliste kurde. On a regardé la CIA, on a regardé le KGB, et puis bah, pour finir, ce n'est nulle part, c'est encore autre chose, et peut-être même à l'intérieur de la société suédoise que les coupables se trouvent. C'est assez étonnant quand même. C'est étonnant et c'est un peu pour la raison pour laquelle nous avons choisi ce cas-là, d'autant plus qu'il n'y a pas de piste définitive qui pourrait expliquer qui a tué Olof Palme. Ce qui est intéressant dans ce cas, me semble-t-il, que, et c'est là où peut-être justement le film permettra de relancer le débat sur cet assassinat, parce qu'il est vrai, sans vouloir apporter des conclusions, il est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments intrigants quand on regarde avec précision comment s'est passée cette enquête, cette investigation pour trouver celui qui a tué Olof Palme. Michel Noll, merci beaucoup de ces minutes passées ensemble. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour la succession de vos immeubles à 10 étages que vous n'allez pas manquer de nous construire à l'avenir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Demain, nous embarquerons pour un nouvel assassinat politique, celui d'Olof Palme, en partant à la rencontre de la Suède, ce lumineux pays au climat parfois si étrange.